Le papillon monarque d'Anoplexippus est l'un des insectes les plus extraordinaires de la planète. Il combine une apparence magnifique, un cycle de reproduction fascinant, un voyage migratoire presque impossible à croire et une ancienneté qui remonte à des millions d'années. Le monarque appartient à la famille des nymphalidés, apparue il y a environ 50 millions d'années. L'espèce d'Anoplexippus apparaît il y a environ 2 à 3 millions d'années en Amérique du Nord. Les ancêtres étaient des papillons tropicaux vivants, dans des zones chaudes et humides. Avec le temps, ils ont évolué pour se nourrir exclusivement d'une plante toxique, l'asclépiade. Cette relation a façonné leur évolution, leur couleur et leur défense. Le monarque dépend entièrement de l'asclépiade, aussi appelée milkweed. La chenille ne peut manger rien d'autre. La plante contient des substances toxiques cardénolides que la chenille absorbe. Ces toxines rendent le papillon amer et dangereux pour les prédateurs, ce qui explique ses couleurs vives. Envergure 9 à 10 cm, poids 0,5 à 1 g, aile orange vif, veine noire épaisse, bordure noire ornée de points blancs. Les mâles ont deux taches noires sur les ailes arrière. Les femelles ont des lignes noires plus épaisses et pas de taches. Le monarque passe par une métamorphose complète en 4 étapes. La femelle pond un seul œuf par feuille, toujours sur l'asclépiade. Chaque femelle pond de 300 à 500 œufs. La chenille 10 à 14 jours. Rayée jaune, blanche et noire. Elle mue 5 fois. Elle augmente son poids de 2000 fois. Elle mange sans arrêt pour stocker de l'énergie. Chrysalide, 8 à 14 jours. Une capsule vert jade décorée de points dorés métalliques. À l'intérieur, la chenille se liquéfie littéralement, puis se reconstruit en papillon. Papillon adulte, la durée de vie dépend de la saison. Été 2 à 6 semaines, génération migratrice. Jusqu'à 8 mois, les monarques se reproduisent uniquement, printemps et en été. Voici comment cela se déroule. Rencontre. Le mâle repère une femelle grâce aux phéromones. Accouplement. Il s'attache par l'abdomen, parfois plusieurs heures. Ponte. La femelle dépose jusqu'à 500 œufs sur les jeunes pousses d'asclépiade. Cycle continu. Les générations d'été se succèdent rapidement. La génération migratrice, celle de septembre, ne se reproduit pas immédiatement. Elle attend le printemps suivant au Texas, après avoir survécu tout l'hiver au Mexique. Les monarques ne vivent pas qu'en Amérique du Nord. On les trouve aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, les îles Canaries, dans les Açores, en Australie, en Nouvelle-Zélande. En Espagne, c'est une population introduite. Aussi à Hawaï et dans les îles du Pacifique. Mais seul le monarque d'Amérique du Nord effectue la méga-migration. La migration du monarque est l'un des plus grands exploits du règne animal. Migration automnale, septembre-octobre. Les monarques quittent le Québec, l'Ontario, les prairies et les États-Unis du Nord. Ils se dirigent vers les montagnes du Michoacán, au Mexique, dans les forêts de sapins oyamel situées à 2700 à 3300 mètres d'altitude, distance parcourue, 3000 à 4500 km. Ils volent 20 à 30 km par heure et voyagent de 50 à 80 km par jour. Certains jours, poussés par le vent, ils peuvent dépasser 150 km. L'hivernage au Mexique novembre-mars. Ils se rassemblent en millions sur les arbres. Les branches plient sous leur poids. Ils bougent peu pour conserver l'énergie. Leur métabolisme ralentit. Le retour au printemps mars-avril. Au printemps, ils quittent les montagnes mexicaines et montent vers le Texas, la Louisiane et l'Oklahoma. C'est là qu'ils se reproduisent pour la première fois depuis septembre. Génération après génération, mais à où? Les descendants montent progressivement vers le Kansas, le Midwest, l'Ontario et le Québec, dans les maritimes très rarement et dans l'Ouest canadien. Il faut 2 à 3 générations pour revenir au Canada. La génération migratrice août-septembre. La dernière génération ne se reproduit pas. Elle se prépare physiquement, accumulation de lipides, aile plus résistante, métabolisme lent et l'instinct migratoire activé. Elle descend ensuite vers le Mexique. Les monarques utilisent la position du soleil, c'est un compas solaire. Aussi une horloge interne dans leurs antennes, un détecteur du champ magnétique terrestre, la température et les vents. Une mémoire génétique inscrite dans l'ADN. Aucun monarque n'a jamais fait le voyage deux fois. et pourtant ils retrouvent exactement les mêmes montagnes. Prédateurs et dangers. Les principaux dangers: araignées, fourmis, guêpes, oiseaux, plus rares, les parasites microscopiques, tempêtes et les pesticides agricoles. La disparition de l'asclépiade, les feux de forêt, les hivers trop froids ou trop chauds. La population a chuté de 80 à 90% dans certaines années. Les monarques dans le monde en dehors de l'Amérique. Australie, population stable, pas de migration. Nouvelle-Zélande, présent mais population fluctuante. À Hawaï, reproduction toute l'année, Espagnol et Canaries. Population locale, parfois migratrice dans ces régions, absence d'hiver les empêche d'avoir une longue génération migratrice. Ils volent plus haut que 1000 mètres. Ils peuvent traverser le golfe du Mexique. Leur cœur bat 3 à 4 fois par seconde. Ils reconnaissent l'asclépiade par l'odeur. Ils voient dans l'ultraviolet. Ils ne pèsent presque rien, mais traversent un continent. Le papillon monarque, malgré son envergure élégante et sa migration extraordinaire, demeure l'un des insectes les plus légers de la planète. Son poids est si faible qu'il semble défier les lois de la nature. Un monarque adulte pèse environ 0,5 g. Ce poids équivaut à celui d'un petit trombone ou d'un morceau de papier léger. Son poids peut varier selon plusieurs facteurs. Le poids minimal est environ 0,25 g. Le poids moyen, autour de 0,50 g. Et le poids maximal pour un très gros monarque, jusqu'à 0,75 g. Plusieurs éléments influencent la masse d'un monarque. La qualité du nectar disponible, le sexe, les mâles sont parfois légèrement plus lourds. La génétique et la taille des ailes, l'état de santé général. La saison, les monarques migrateurs accumulent plus d'énergie. Malgré leur poids minuscule, les monarques parcourent des milliers de kilomètres pendant leur migration annuelle. Ils réalisent ce voyage grâce à leur corps ultra léger, la forme aérodynamique de leurs ailes, à leur capacité à économiser l'énergie en utilisant les vents et les courants thermiques. Même un gros papillon monarque ne pèse jamais plus de 3/4 de gramme. Ce poids incroyablement faible, jumelé à une endurance fascinante, permet à cet insecte fragile d'accomplir l'un des plus grands exploits du règne animal. Pour plusieurs peuples, c'est un symbole d'âme, un messager du monde spirituel, un symbole de renaissance ou un emblème de la transformation et du courage. Le monarque au Québec est très présent dans l'Annaudière, la Mauricie, l'Estrie et dans la Montérégie saison d'observation. Mais à septembre, les asclépiades présentes le long de la vallée de la rivière Waro sont un habitat idéal. Le monarque est un miracle de la nature. Sa migration défie la logique. Sa reproduction est complexe. Sa survie dépend d'une plante unique. Et pourtant, malgré les dangers, il revient chaque année, fidèle à son parcours millénaire. Un être minuscule, mais un géant du règne animal.